la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Affiches et j'annonce à la radio, là c'en est trop, j'en ai plein le ciboulot. C'est pas que j'ai rien demandé, mais bon, un petit peu quand même. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous marteler des slogans publicitaires qui me donnent juste envie de vomir, des slogans publicitaires qui me donnent juste envie de fuir. Alors s'il vous plaît, arrêtez. De rue, des panneaux de consommation qui voudraient me dire ce que j'ai besoin ou non. À peine on fait 100 mètres qu'on est harcelé, qu'on nous dicte ce que l'on doit acheter. Une nouvelle voiture, un plus gros scooter, un nouvel iPad, un plus gros ordinateur. Ouais, plus j'en ai, plus j'en veux. Arrêtez, s'il vous plaît, la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Arrêtez, s'il vous plaît, la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Énorme dans mon fauteuil, un appel téléphonique vient m'extirper de ma flemme léthargique à l'autre bout du combiné. Un brave télévendeur fait son métier pour être gentil, pour être poli. Je lui dis arrêtez, s'il vous plaît, la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Arrêtez, s'il vous plaît, la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Arrêtez, s'il vous plaît, la publicité. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire chier. Arrêtez.